François Morel, c'est à vous. Il n'attendra jamais à ses jours, il s'aime trop pour ça. C'est donc la phrase que l'on retiendra de l'intervention samedi soir sur France 2 dans l'émission de Léa Salamé. Quelle époque, du penseur, écrivain, polémiste Yann Moix, assez averti, assez avisé pour donner si doctement, si savamment, son avis personnel, éclairé, forcément érudit, sur l'hypothèse pour Pierre Palmade de se donner la mort. Oui ou non, Pierre Palmade va-t-il se suicider ? Non, a répondu Yann Moix. Pierre Palmade ne se suicidera pas. Yann Moix le sait. Il peut l'affirmer, il peut le certifier. C'est un spécialiste de l'âme humaine. Il n'attendra jamais. Mais à ses jours, il s'aime trop pour ça. Trop narcissique, trop égotique, trop nombriliste. C'est l'analyse de Yann Moix qui en connaît un rayon. Yann Moix peut l'affirmer de façon péremptoire, mais comment ne pas être péremptoire quand on est doté de tant d'acuité, de clairvoyance, de perspicacité. Pierre Palmade ne se suicidera pas et chaque téléspectateur, selon son jugement, selon son appréciation, est déçu ou rassuré, frustré ou tranquillisé, révolté ou rasséréné. Car, à l'instar de n'importe quel clampin médiatique venu donner sur le service public le fruit de son savoir et de sa connaissance, traduisait de sa vacuité et de sa suffisance, chaque téléspectateur a bien le droit d'avoir son mot à dire selon sa position, selon son appréciation, puisque tout le monde en démocratie participative et médiatique est en capacité de défendre une opinion utile, compétente, substantielle concernant l'éventualité d'un suicide de Pierre Palmade. Afin d'illustrer cette chronique hebdomadaire, permettez-moi, et pardonnez-moi, de diffuser quelques document sonore évoquant le vomi. Je me demandais si on était déjà allé aussi loin dans l'ignoble, le sordide, le dégueulasse. Peut-être pas. Alors félicitons Yann Moix, il est aujourd'hui champion dans l'ignominie, lauréat de la déclaration la plus odieuse, la plus sordide, recordman de la dégueulasserie. Attention, pas forcément pour longtemps, c'est la loi du sport et la vocation du champion d'être toujours dépassé, toujours battu par un nouveau champion, et je ne doute pas que dans les semaines, les jours, les heures qui viennent, un nouveau record sera à nouveau promulgué. Il y a assez de podiums pour ça, peut-être même, et pourquoi pas, par Yann Moix lui-même, car l'athlète de l'immonde a l'air d'en avoir sous le pied. Il faut évidemment que la parole de Yann Moix alimentant les débats télévisuels soit encore plus diffusée. C'est merveilleux d'avoir sous la main une personnalité capable de prévoir les suicidés ou les non-suicidés de demain. Pourquoi ne pas l'inviter tous les soirs, avant ou après la météo, pour écouter ses péroraisons morbides? Oui, de temps en temps, peut-être pourrait-il se tromper, mais c'est aussi le cas de la météo. Franchement, j'espère que mon idée va intéresser une chaîne de télé. En plus, écoutez, j'ai déjà le jingle. Ah oui, merci à vous François Morel.